m'a dit regarde un peu, c'est ça ta vie, à défaut du pire, on a fait de notre mieux. Un peu de droit, certains interdits, et beaucoup de choses entre les deux. Il y a le temps qui passe, celui d'y voir, et souvent celui qu'on perd. Il y a aussi l'argent et le pouvoir, les volcans et le désert. Mais surtout n'oublie jamais, laisse-toi le temps de goûter à ta vie. Mais surtout n'oublie jamais, reste un peu l'enfant qui a peur de la nuit. Laisse tomber l'évidence et garde un peu en toi ce droit à l'innocence. Tu verras la pluie, le vent qui glace, le ciel qui pleure et le soleil. Tu verras midi, le temps qui lasse toutes les heures de ton sommeil. Il y a là des couleurs, des saisons, de la route avant la fin. Il y a aussi un peu de questions et de doutes avant d'aller plus loin. Mais surtout n'oublie jamais, laisse-toi le temps de goûter à ta vie. Mais surtout n'oublie jamais, reste un peu l'enfant qui a peur de la nuit. Laisse tomber l'évidence et garde un peu en toi ce droit à l'innocence. Du son du bout de l'air. parler des images pour te guider le long de tes envies. Détendu d'où la terre et les nuages, à rêver d'un peu de paradis. Il y a bien sûr un peu de chance pour toi au moment où tout semble perdu. Mais peu de choses ont vraiment de l'importance à l'instant. Tu trembles à sa vue. Mais surtout, n'oublie jamais.